Putain, Yahya, c'est encore toi, enfoiré. Vrun sulla cabriolet, tieni le choses nella poche. Stasera il tramonto è violet. Lui torna a lavoro in salopette. I suoi occhi blu come il mar, porta kit kit vit vit. Cose brutte lo so, mamma, per favore vuole che resti a casa sicuro. Mi ricordo te quando la notte non dormivi, che pensavi troppo. Ora sì, stai tranquilla nell'hotel, io con papà vado più d'accordo. Sì, ogni sera, baby, ascolta ora chi al muro sente le botte. Lui non capisce bene le cose, da più grande ha la testa in fiamme. Chio che pom pom, prende molla le col col. Prima era De Pole, l'ultimo della classe. E lei la prima al primo punk punk. Lui stava dal suo pote dietro la lima e tutta food corner. Impennava un T-Max nero, correva dietro alla zone. J'ai trop jobé, je veux faire la fête. C'est la zone, c'est la zone. J'ai plein de projets dans la tête. C'est la zone, c'est la zone. Dis quoi trop les sous cette zone. C'est la zone, c'est la zone. T'es sur la marge dans le business. C'est la zone, c'est la zone. Faut que j'envoie, je t'aime à ma maman. J'ai des petits blèmes, j'fais pas de romans. J'peux finir bleu en ce moment. Ça sent le best, pas ça met le momo. Ça dit t'es mensin et ça se ment. Fais pas le gros, ça te met à la menthe. Soirée de riche, c'est même pas la menthe. Même avec Pawin, on aurait mis la note. Toujours en claquette, moi j'suis pas la mode. J'suis tout le temps énervé comme Trunk. J'm'habille en DP ou en Vrink. J'ai mon label, j'ai pas de gang. J'le mets de travers le stunt. J'ai trop jobé, j'veux faire la fête. C'est la zone, c'est la zone. Plein de projets dans la tête. C'est la zone, c'est la zone. Dis quoi trop les sous cette zone.